Le 2 septembre 1999, à 17h40 et 37 secondes, une araignée de la famille des arachnoventipèdes court sur le plancher d'une demeure bourgeoise de la banlieue ouest toulousaine. À la même seconde, Marguerite se demande pourquoi les chèvres n'ont pas inventé de grattoir plus pratique que les cornes. Au même instant, à Saint-Lô, Baptiste Guillot entre dans la Saxo bleue de Sébastien Marie, qui est accompagné d'Élodie Hervé, qui, elle, aussi, s'en allait à Cherbourg. À cet instant, ils ne savent pas, mais leur destin est scellé. Baptiste Guillot n'aime pas entendre les cris des petiots. Il n'aime pas le remous sur un bateau, le chocolat dans la glace et les gâteaux. Baptiste Guillot aime faire la fête avec ses poteaux, boire une bière à l'apéro et après un bon repas, faire un gros dodo. Élodie Hervé n'aime pas faire la queue au supermarché. Elle n'aime pas avoir la morve au nez et quand les petiots se mettent à pleurer. Élodie Hervé aime se balader en été, elle aime ses enfants dorlotés, son intérieur décoré et son mobilier customisé. 11 ans plus tard, après une maison et 2 enfants, Baptiste se décide enfin à faire sa demande. Excellent, Wade. Je me souviens, un mardi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone. Allez-y, pour un verre de Doxai et un vieux tiré jaune. Déserter les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer. J'ai vomi mon 4h et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est la plaisance. C'est le pied, dès que le vent tournera, je repartira. Dès que le vent tournera, nous nous en allons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais on voit la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend fort au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une mine d'amarrage, elle pleure. Son âme qui la quitte, la mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Prends la mer. comme on prend un taxi. Ouais, le tour du monde pour voir à chaque étape. Tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. Petite pièce. J'irai dans le métro, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront pas non. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris. Et mon bateau aussi. C'est pour ça que je récolte rien. Tiens, c'est un artiste, hein. Avec un gyrophare. Ah bah je t'ai vu, le gyrophare, voilà, exactement. C'est mon premier jour. Merci beaucoup. Ah ouais, on applaudit. Merci public. Je commence à être apprécié, je vais continuer. D'autres. Ah bah elle est pas finie, Ouais. Il est fier mon ami, il est beau mon bateau, ça tape sur nos trois mains, va comme un oiseau. La valise, va jaune, car ce sont rien et l'idèle. La vie passe sur des cajous, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, je me souviens, avant Vendée. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, nos fils au plus de l'eau. Bonjour, dépassé le week-end dernier alors. Regardez votre enfant, merci. Il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent tournera, je repartira. Dès que le vent tournera, nous nous en allons. Oui! Un duro, oh, que fue. T'as le look, Coco. Je ne connais que le... Coco, t'as le look. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Wouh. C'était mes cheveux. Allez, attends. Tu entendras, je te survivrai. Quelque part en toi, je te survivrai. Au-delà de toi, je te survivrai. Ah, oh là. Attends, hey, c'est pas n'importe quoi comme musique. On les a avalés, hey, ça nous a fait péter. Hey, ils ont pris des pilules. Tu as dansé. Nous sommes le samedi 4 juin 2011, il est exactement on ne sait pas quelle heure, on ne sait pas non plus s'il a fait beau et on ignore ce qui se passe sur Mars à cet instant. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'ils sont heureux et c'est tout ce qui compte. Elodie, je vais dire quelque chose que je voulais dire depuis longtemps. J'ai jamais eu le courage de te le dire parce que je me suis fait avoir. Et ne rentre pas dans cette famille. Ne rentre pas dans cette famille, tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu ne sais pas qui ils sont. Tu ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait à moi. Tu ne sais pas. N'y va pas. Elodie, n'y va pas, je t'en supplie, n'y va pas. J'espère que vous serez heureux. J'espère que tout ira bien pour vous. J'espère que vous vivrez bien, heureux dans votre maison, notre pavillon magnifiquement restauré. J'espère que les enfants sortiront, qu'ils n'iront pas pointer à Pôle emploi. Puis tout ira bien pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Tout le bonheur du monde. Soyez heureux. Adieu. Bah, un petit message de quelqu'un qui est passé par là. Bon, bah, Baptiste, bon courage. Ça va être difficile. Mais bon, voilà, va falloir t'y faire. Si tu veux te faire passer la bague au doigt, et bah, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux, quoi. Vous allez voir, ça va être bien. Mais sinon, la stripteaseuse, elle est pas top. Franchement, t'as pas à t'inquiéter, Elodie. Elle est vraiment pas top. Bon, message pour Elodie. Je suis là. On est vendredi, il est 10h moins le quart. Tout le monde est debout, personne n'a encore vomi. J'ai tout maîtrisé, j'ai mis les petits gâteaux d'ailleurs, heureusement que j'étais là parce que Jérôme s'en occupait pas. J'ai eu le grand merci de Christophe. Et pour Baptiste, bah tu me diras ce que t'en as pensé de ton déguisement de bite. Plein de bisous à tous les deux. Elodie, bah, le souvenir qui nous revient, c'est quand même tous le même, quoi. C'est le PQ. smell it. Et donc Baptiste, bah. Baptiste et Renaud, c'est des futs improbables, des grôles qui durent des années. On est bien content d'avoir retrouvé pour l'intervention des garçons. Et puis bah, voilà, quand on est bien content qu'ils se marient, il faut faire la teuf, en espérant se dire toute la vie, et puis qu'ils aient plein de beaux enfants, qu'ils grandissent bien. Tout se passe bien. Joyeux mariage. Profitez bien, passez une belle soirée. Et j'espère que tu n'y conduiras pas dans cet état-là. Non, un petit peu pire. Cherbourg, comment on se retrouve? C'était il y a déjà 10 ans, c'est ça? Je dis pas de la merde. Où justement on a rencontré Hello et que j'ai rencontré Jérôme aussi, et tous les gens qui sont invités au mariage. Enfin, tous, non, forcément, je connais pas toutes les familles. Enfin, tout ça pour dire que c'est bien beau tout ça de vous retrouver tous les deux 10 ans après avec déjà 2 petits enfants. Vous faites pas les choses dans l'ordre quand même. Mais en tout cas, je vous souhaite bien du bonheur avec votre mariage et profitez-en bien. Tchuss! Bon, bah voilà, comme à dire, ça fait 10 ans tout ça, vous allez vous marier. Moi j'ai la lourde charge d'être témoin. C'est pas simple. Merci beaucoup du cadeau. Bravo! la petite soirée d'enterrement de garçon, c'est fini, tout ça. Donc, et ben, tout plein de bonheur, tout ça, et voilà, et je suis venu pour les petits mots, alors voilà, c'est fini. Voilà. Bon, ben voilà, c'était bien sympa, on a passé un bon petit week-end. Maintenant, il ne reste plus qu'à se marier. J'espère que vous allez bien réussir. Ciao! Je suis pas beaucoup, tiens. Je suis ému. Moi, je suis pas, c'est un truc, quoi. Ouais. Non, mais là, tu me prends un coup. Ma chère beau-frère et chère belle-sœur, bah, c'est avec plaisir que je vous souhaite bon courage pour votre longue vie de couple. Bah, jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. On a bien fêté, on a bien enterré cette vie de garçon. La semaine dernière, un bon enterrement de vie de jeune fille. A priori, j'ai vu des photos, c'est bien passé. Donc, là aussi, Baptiste en a bien profité. On a eu un bon bisou de moustachu. Voilà, voilà. Bon, bah, cher beau-frère, un gros bisou.